Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Michel Leb. Salut Michel, comment tu vas? Je vais très bien, je vais très très bien, bon. Merveilleusement bien. Ah, c'est un honneur vraiment de te recevoir dans le podcast. Je suis un fan de la première heure, vraiment. J'ai passé des journées et des années même à regarder C'est un Leb Show. C'était vraiment le top du top avec toute ma famille d'ailleurs. Et tu as d'ailleurs le bonjour de ma maman à qui j'ai annoncé qu'on allait faire l'interview et qui était vraiment folle de joie. Embrasse ça pour moi. Ah ben, ce sera fait avec grand plaisir. Et vraiment, l'état d'usure de la bande de la cassette vidéo qui avait enregistré l'émission, vraiment témoigne, ça témoigne. Je crois qu'on voit même plus l'image tellement on l'a regardée. Ah, c'était vraiment génialissime. Donc vraiment, c'est un honneur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et donc, moi, je t'ai connu du coup à travers la télé, à travers les sketchs que tu tournais, les passages vidéo et tout. Mais bien évidemment, tu es avant tout un homme de scène. Et j'imagine que tu as des anecdotes qui t'ont marqué, que ce soit dans tes débuts ou plus récemment, des anecdotes vraiment qui méritent d'être partagées dans ce podcast. Ben oui, il y a des anecdotes, bien sûr, qu'on est truffé d'anecdotes. Mettons que je te raconte celle-là, par exemple, qui est ma première télé que j'ai jamais faite. Ah Ma oui. première télé, je n'ai jamais fait ma première télé. Donc, si tu veux, quand les émissions qui passaient à ce moment-là, c'était les émissions animées par Guy Lux, qui était quand même le pape de la variété en France à l'époque. Et il m'avait proposé de venir faire un sketch très court entre Michel Sardou et Johnny Hallyday. Ou entre Johnny Hallyday et Michel Sardou, peu importe. Mais enfin bon, c'était entre les deux. Et alors, Guy Lux présentait l'émission. Et à un moment donné, alors moi, j'avais tout préparé. J'avais préparé un sketch qui durait 1 minute, le temps qu'il place les caméras de Johnny à Michel Sardou. Et donc, moi, j'étais dans un coin du studio et il fallait que je fasse un petit sketch très court, très visuel. Et j'avais préparé un truc. Et à ce moment-là, Johnny vient, arrive et chante. Il fait un carton, évidemment. Tout le studio 102, c'était ça, s'enregistrait au studio 102 de la maison de la radio à l'époque. Et là, Guy Lux dit bravo, Johnny. Alors tout le monde est debout à hurler, Johnny, Johnny. Et il dit maintenant, je vais vous présenter notre Michel National, qui est vraiment extraordinaire, qu'on adore, on adore. Je dis, c'est ma première télé, il est vachement gonflé. De dire notre Michel national, parce que je ne suis pas du tout national pour le moment, je suis local, je suis même pas local, je suis studio, j'ai encore jamais rien fait. Et là, il dit, et voici Michel Sardou, et il m'oublie complètement, et toutes les caméras me passent sous le nez. Et moi, j'avais préparé mon petit sketch, et tout était prêt, j'avais prévenu ma mère, j'avais prévenu mes sœurs, j'avais prévenu tout ça, tout était prêt. Et en fait, quand Michel Sardou a commencé à chanter, j'ai fait le tour du plateau, je suis allé voir Guy Lux. Et puis il me voit arriver, il me dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Oh là. Je dis, comment qu'est-ce que je veux, moi? Ça fait 1 heure que je suis là dans le studio, que je suis planqué, que j'essaye de faire les choses et tout, j'avais préparé un sketch pour faire la jonction entre Sardou et Hallyday. Ou l'inverse. Alors il me dit, ah oui, j'ai complètement oublié ça. Je dis, oui, je m'en suis rendu compte puisqu'il ne s'est rien passé. Et alors, à un moment donné, alors, il m'a dit, c'est pas grave, tu reviens la semaine prochaine. Et effectivement, la semaine prochaine, j'ai le temps de me préparer pour un nouveau sketch. Et ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que ma première télé, je ne l'ai jamais faite. Je suis rentré chez moi dépité, et puis bon, j'étais un peu écœuré, quoi. Mais ça fait rien, je suis revenu la semaine d'après, et j'ai fait comme ça pendant des années, toutes les émissions de Guy Lux avant de faire la mienne, certains Leb Show plus tard. D'accord. Voilà. Ok. Ah Et oui, c'est franchement, donc ça, c'est une vraie galère, hein. C'est une vraie galère. ouais, totalement. Oui, là, c'est sûr que c'est une vraie galère. Et comment ça s'est passé après le coup de fil à la maman pour dire maman, finalement, désolé, il y a eu un problème. Ben, maman, tu m'as pas vu à la télé. Elle me dit non, je t'attends, je t'attends. Je dis, tu m'attends, mais tu me verras pas parce que l'émission est finie et là, je suis en voiture et je rentre à la maison. Ah Ah. bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je lui raconte exactement ce que je viens de te raconter, voilà. Et Oh donc, là elle là. était très déçue. Et ma famille, toute ma famille était très déçue parce que j'avais prévenu tout le monde. Ben oui, c'est normal à l'époque, surtout À bon, l'époque. aujourd'hui, je veux dire, ça se perdrait un peu dans les méandres de toutes les images qu'on peut trouver, mais je veux dire, à Voilà. l'époque, il y avait pas beaucoup de chaînes, il n'y avait pas encore la TNT ni rien. Si on passait à la Rien. télé, c'était un événement national et il fallait vraiment prévenir tous les National. copains, toute la famille, parce qu'il n'y avait pas de replay en plus. Non, il n'y avait rien. Et oui, et peut-être même qu'à l'époque, ben du coup, il n'y avait pas encore les magnétoscopes, peut-être? l'époque, non, non, j'avais pas de magnétoscope, Eh pas oui, du bah tout, pas oui. du tout. Donc c'est même pas Donc à comme la si on base, pouvait dire tu l'enregistres et puis tu regarderas ça plus tard. ah Non, non, non, non, rien du tout, rien c'est du tout. soit en direct, soit rien, quoi. Oh. Bon, déjà, Soit en direct, soit rien. Ouais, la c'est bonne ça. nouvelle, déjà, la bonne nouvelle dans cette anecdote, c'est qu'au moins ça t'a pas bloqué pour la suite de ta carrière. Je veux dire, tu as pu retourner, du coup, Non. tu y es retourné une semaine après. Si tu veux, si tu t'étais embrouillé vraiment méchamment avec Guy Lux, peut-être que tu n'aurais pas eu la Non. carrière que tu as aujourd'hui, quoi. Exactement, parce que bon, c'était le palmarès des chansons, c'était, ça s'appelait comme ça. C'était un truc incroyable. C'était un carton, c'est-à-dire, il faisait 9 millions de téléspectateurs. D'ailleurs, quand on faisait une émission de télé chez Guy Lux un soir, on avait 50 ou 100 dates derrière qui étaient signées Eh par les oui, bien quinze sûr. spectateurs. Bah, c'était le pouvoir Donc de la télé, c'était. hein. Aujourd'hui, Ben oui, puis avec une chaîne, hein. eh oui, Donc aujourd'hui, c'est c'était beaucoup la moins folie. présent, quoi. C'était la folie, la folie. Et donc pendant 47 ans, comme ça, j'ai fait, pendant les 25 premières années, quelque chose comme 250 galas par an. Et il y avait Patrick Sébastien, il y avait Serge Lama et moi qui tournions le plus. Après, il y a eu Thierry Leluron, après tout ça. Donc, tout ça, c'est quand même tout qu'une sacrée époque, hein, où on bossait comme des dingues. Hein. Ah oui, c'est sûr, ouais. À l'époque, bah, il y avait très très peu d'artistes en fait. Aujourd'hui, il y en a 10 par jour qui arrivent des nouveaux, quoi. Exactement, Voilà, et exactement. à l'époque, il y avait quelques places, elles étaient très très chères les places, mais une fois qu'on en avait une, on était bien, quoi. Ouais, nous on avait Patrick Sébastien, Thierry Leluron, moi, on était tout le temps en train de bosser, on bossait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On faisait des chapiteaux dans le Larzac, on faisait des trucs perdus, je sais pas où, les noms, dans des villes improbables et dans des patelins improbables, dans des endroits complètement perdus. Et on n'arrêtait pas, on n'arrêtait pas. Voilà. Ah, Donc mais maintenant c'est. on s'est arrêté pendant un an et demi, là, ça fait, voilà, maintenant j'en ai marre. J'en Ben ai marre de plus rien foutre. là, ça reprend, là, ça va, là, ça commence à Ouais, reprendre. Bon. ça va reprendre très doucement. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir d'écouter ton anecdote. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, souvent, je suis tout le temps là. Je n'ai pas de Facebook, je m'occupe pas de ça. Mais je suis sur Insta très souvent parce que Insta, c'est très bienveillant. C'est absolument pas, Ah ouais, non, c'est pas Twitter, c'est sûr. c'est pas agressif ni Facebook, tout ça, tout ce qu'on peut apprendre là-dessus et entendre comme horreur. Maintenant, là, je suis sur Instagram et c'est ma seule façon de communiquer avec mes amis. D'accord. Pour ma Voilà. part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.